Chapitre 14e. S'il eût été naturel, comme l'avait fait observer le marquis de X, que Vibert quitta l'hôtel des princes, il eût été plus simple aussi que Julie Vidal retournât dans son appartement de la rue de la Paix. Ne s'était-elle pas logée rue de Grammont dans le seul but de recevoir Savary et de lui cacher son passé? Pourquoi tant de mystères maintenant? Pourquoi ne pas reprendre son véritable nom et rentrer dans une demeure encore tout imprégnée de souvenirs chers à son cœur? On vous avait arrêté, aurait-elle dit à Savary, on vous soupçonnait d'un crime. Je ne vous connaissais pas, je vous ai soupçonné aussi. J'ai pris un travestissement, j'ai revêtu une autre forme pour obtenir la preuve de votre culpabilité. Aujourd'hui, votre innocence est reconnue, je vous demande pardon de mes odieux soupçons, et je redeviens Julia Vidal. Elle n'osa pas tenir un tel langage. Elle eut peur de mettre Savary dans une position trop fausse et trop pénible vis-à-vis d'elle. Elle craignait peut-être aussi d'avoir à rougir devant lui de tous ses mensonges passés. Cependant, elle se disait « Cela ne peut durer. Il faut qu'il sache qui je suis. Je ne veux pas continuer à jouer cette éternelle comédie et me conduire comme une aventurière. J'ai un nom honorable. Je dois le reprendre. Je parlerai, il faut que je parle. » Elle ne parlait pas et continua à tromper pour ne pas avouer qu'elle avait trompé autrefois. Ils avaient repris leur vie passée, seulement Vibert ne venait plus troubler leur tête à tête. Cette subite disparition préoccupa un instant Savary, il en demanda les motifs à Julia, qui se troubla et ne répondit pas. Savary crut ne devoir pas insister et pensa tout naturellement que le comte, chez lequel il avait cru remarquer un certain penchant à la jalousie, était en froid à cause de lui avec sa parente. Tous les jours, vers les 2 heures de l'après-midi, il arrivait chez Julia et ne la quittait plus qu'à l'heure du dîner. Assis auprès d'elle sur le canapé du salon, il parlait de sa première jeunesse, de son entrée dans la vie, de ses luttes et de ses déceptions. Il essayait de lui apprendre à le connaître et à le mieux juger qu'on ne le jugeait habituellement. « On me reproche, lui disait-il, de vivre au jour le jour, de ne m'être pas encore fait une position dans le monde, de n'avoir pas de rente sur le grand livre, de n'émarger dans aucun ministère, d'être inutile à tous et principalement à moi-même. On a raison. Si j'avais recommencé ma vie, je la comprendrais autrement. Mais ne devrait-on pas me tenir compte aussi des obstacles sans nombre que j'ai rencontrés sur ma route? Je suis entré dans la vie sans protecteur, sans famille, sans amis, avec quelques 1000 francs pour tout patrimoine. J'aurais dû travailler. Mais m'avait-on donné des habitudes de travail? Non. C'est à peine si ma mère s'occupait de moi. Elle ne songeait qu'au fait qu'il réclamait sans cesse. Je ne l'accuse pas. Elle m'a aimé à sa manière. Mais, dans certaines positions, on devrait bien ne pas mettre d'enfant au monde. Si vous saviez quel spectacle j'avais devant les yeux, quelle existence bizarre je menais, quelle irrégularité dans notre façon de vivre. Un jour on était riche, le lendemain on était pauvre. On donnait un bal étourdissant, tous les journaux en rendaient compte, tout Paris voulait s'y faire inviter. On dansait, on soupait jusqu'au matin, chacun partait ravi. Et lorsqu'il n'y avait plus personne dans les salons, ma mère réunissait ses bijoux, ses robes, et les envoyait au Mont-de-Piété pour payer la note du tapissier et du glacier qui ne faisait pas crédit. Que de fois j'ai déjeuné comme un prince et soupé d'une pomme crue. Quelle joyeuse insouciance au milieu de tout ce désordre. Comme on méprisait la fortune et la misère. Et les créanciers. Ah, les créanciers! Quand ils ne menaçaient pas de saisir, quand ils n'encombraient pas la maison de papier timbré, comme on en faisait bon marché. Jamais on n'y était pour eux. Ils entraient par une porte, en sortaient en riant par l'autre. Les billets souscrits, on n'y prenait même pas garde. On commençait à s'en occuper le jour où ils revenaient escortés d'un volumineux dossier, d'une note de frais considérable, d'un huissier et de 2 clercs. Ah, si quelqu'un m'avait pris à l'écart et m'avait dit « Méfie-toi, mon garçon, ne suis pas l'exemple qui t'est donné, ce n'est pas ainsi qu'il faut comprendre la vie. On consentira peut-être un jour à ne pas te demander compte du passé de ta mère, mais garde-toi de trop te montrer son fils, soit surtout le fils de tes œuvres. Mais sans conseil, livré à moi-même, j'ai vécu comme j'avais toujours vu vivre autour de moi, et j'ai mal vécu jusqu'au jour où je vous ai rencontré. J'ai compris seulement alors ce qu'on appelle l'honnêteté, en comprenant le véritable amour. « Maintenant, travaillez-vous ?» lui demandait affectueusement Julia. « Pas encore, mais je cherche. Comment vivez-vous? J'ai le droit de vous interroger à ce sujet puisque je suis votre confidente. »« Oh » répondait-il En ce moment, je n'ai pas besoin de grand-chose pour vivre. Il ne me faut plus comme autrefois des louis, toujours des louis dans mes poches. Je ne désire plus me montrer au bois de 3 à 5, à Tortigny vers les 6 heures, à l'opéra le soir. Je me réveille et ma première pensée est de me dire « À quelle heure la verrai-je aujourd'hui ?» Alors je m'habille, je déjeune sobrement, je me promène sur les boulevards près de votre rue, jusqu'au moment où je puis monter ici. Je reste avec vous jusqu'à ce que vous me renvoyiez, et je pense à vous le reste du temps. » Alors elle essayait de lui parler sagement, en amie, en sœur. Elle lui disait qu'il devait songer à son avenir et combattre un amour qu'elle ne pouvait partager. « Vous m'êtes sympathique, » lui avoua-t-elle, « je ne puis pas vous le cacher. Je crois en effet que vous n'êtes pas entièrement responsable de vos égarements et qu'on vous a sévèrement jugé. Vous méritez mieux que votre réputation. Je vous remercie d'avoir eu de la franchise avec moi et de m'avoir appris un passé que j'aurais toujours ignoré sans vos confidences. Je vous en estime davantage, mais l'estime, l'amitié seule, peuvent exister entre nous. L'amour doit être banni de nos rapports. Ayons l'un pour l'autre une bonne et sincère affection. Comme vous, je suis à peu près seul au monde. Tenez-moi lieu de famille et d'amis, et respectez les larmes que je verse encore. » Il promettait tout ce qu'elle voulait, ou plutôt tout ce qu'elle croyait vouloir. Il faisait le serment de se contenter de ce qu'elle lui offrait, de ne jamais plus lui reparler d'amour, et un instant après avoir juré, il manquait à son serment. Ainsi s'écoulait leur vie, lorsqu'un accident facile à prévoir vint la modifier. Depuis la mort de son mari, Julia Vidal avait pris l'habitude de lire les journaux. Elle avait intérêt à se tenir au courant de tout ce qui pouvait se dire au sujet du crime de la rue de la Paix. Un matin, la feuille qu'elle parcourait lui tomba tout à coup des mains, elle s'écria « C'est une infamie !» et elle appela Marietta. « Lis, lui dit-elle vivement, lis ce que les journalistes français ont l'impudence d'écrire. » En parlant ainsi, elle désigna un fait divers où il était question du procès de Langlade qu'on allait bientôt juger. On racontait comment le crime avait été commis. Langlade, disait l'article, vivait depuis plusieurs années avec une femme surnommée Soleil Couchant dont il était follement épris. Il avait rencontré Maurice Vidal chez elle, l'avait suivi et l'avait tué dans un accès de jalousie. Julia, pâle d'indignation, arracha le journal des mains de Marietta dès que celle-ci l'eut parcouru et s'écria « Dans notre pays, on se vengerait cruellement de l'homme qui aurait osé écrire une pareille calomnie. Quoi ? Laisser entendre que mon mari aurait été l'amant d'une fille comme celle-là, qu'on l'aurait rencontrée chez elle la veille du jour où il m'attendait ? Je veux donner un éclatant démenti à cet article. Il me blesse dans ce que j'ai de plus cher au monde. » Elle se retourna vers Marietta et lui dit « Habille-moi, je vais au bureau du journal. » Le rédacteur auquel Mme Vidal s'adressa une heure après, sans se nommer, lui assura qu'il tenait directement le fait divers en question d'une personne employée au palais et trop bien renseignée pour s'être trompée. Aussitôt, Julia se rendit au palais de justice et parvint à être introduite auprès de M. Gourbet. « Madame, lui dit-il, lorsqu'elle eut expliqué ce qui l'amenait, la note qui vous désole, avec raison, n'émane ni de mes collègues ni de moi. Nous n'avons pas l'habitude de donner aux journaux des détails sur les procès que nous instruisons, et nous déplorons, au contraire, certaines indiscrétions souvent dangereuses. Mais l'indiscrétion est commise, le coup est porté. Je ne puis que m'affliger avec vous et vous plaindre sincèrement. Comment me plaindre, monsieur ? Je ne suis pas à plaindre. Cet article ne me fait prouver aucune douleur puisqu'il est mensonger. Il excite simplement mon indignation. » M. Gourbet garda le silence. « Vous ne répondez pas, » dit-elle. « Croiriez-vous par hasard, vous aussi, à l'étrange histoire que raconte ce journal ?»« Madame, » dit après un instant de réflexion le juge instructeur, « si la vérité pouvait vous être toujours cachée, croyez bien que, malgré vos instances, je ne répondrai pas à votre question. Malheureusement, le procès de ce Langlade sera jugé avant peu de temps, vous y serez directement mêlé, et les moindres détails de cette affaire vous seront révélés. Il vaut donc mieux vous l'avouer aujourd'hui. Le fait divers dont vous vous plaignez est exact. « Quoi, monsieur ? » s'écria Julia. « Mon mari serait allé pendant mon absence chez cette créature ?» C'est quelques minutes après être sorti de chez elle qu'il a été tué. C'est impossible. Ce n'est que trop vrai. Vous avez la preuve de ce que vous avancez. Hélas, oui, madame. C'est moi, vous le savez, qui suis chargé d'instruire cette affaire. » Pendant 3 jours, Julia refusa de recevoir Savary. Cependant, elle ne s'enferma pas chez elle. Elle sortit à plusieurs reprises. Elle se rendit d'abord à l'église Saint-Roch, où depuis la mort de son mari, elle avait l'habitude d'aller faire brûler un cierge tous les matins. Seulement, au lieu de rester en prière, comme autrefois, que tout le temps on brûlait le cierge, elle chargea d'en brûler un chaque jour, sans qu'elle eût besoin de revenir, et le paya un mois d'avance. Elle se rendit ensuite avec Marietta rue de la Paix, fit mettre dans des malles 1000 objets qui lui appartenaient et qu'elle n'avait pas apportés rue de Gramont. Puis elle chargea le concierge de vendre ses meubles et de louer l'appartement. Enfin, elle fit au cimetière du Père Lachaise sa visite matinale et quotidienne. D'ordinaire, avant cette visite, elle s'arrêtait chez une des premières fleuristes de Paris et lui achetait un bouquet de violettes de Parme entouré d'une guirlande de roses. C'étaient les fleurs préférées de Maurice. Elle avait eu la touchante pensée de déposer tous les jours sur sa tombe un bouquet semblable à ceux qu'il lui avait autrefois donné. Cette fois, elle se borna à mettre sur la tombe de son mari la classique couronne d'immortel. Au bout de ces 3 jours, Savary, pâle et défait, fut enfin introduit auprès de Julia. « Ah ! S'écria-t-il, pourquoi m'avoir encore banni de votre présence ? Pourquoi ?» Elle l'interrompit en lui disant « Ne vous plaignez pas, ce serait injuste. Vous n'avez pas lieu de vous plaindre, je vous le jure. »